C'est comme un bon vieux temps, quand c'était mieux avant. Une mélodie légère, un courant d'air, c'est la mélodie du bonheur. Could you play a drummer, Mr. Drum? Could you play this? Un truc comme ça, tu vois, un peu. For drum, boom, cha, boom, cha. You know, you understand me? Boom, cha, boom, cha, boom, boom. Voilà. Il marche pas bien, mon truc, par contre. C'est... Ouais, ouais. Yes, okay. Okay, good drum. It's okay. I start. Wow. Si j'arrive à le voir. One, two, three. Je suis en retard, merde. Je suis parti loin. It's okay. sitting.